Avec en générique, Spoutnik l'SHM. Spoutnik l'SHM, lui, est sous licence art libre et ça fait partie de la rubrique trituré, mélangé, servé, toujours candidat pour être remixé. Dans cette troisième partie d'émission, encore un dernier titre de cet opus 1 par les Inédits Tziganes. Donc retour sur le site web, et cette fois-ci je coupe le son. Leur présentation, c'est quand la musique tzigane et le rock se rencontrent, les Inédits Tziganes s'en amusent, ils vous invitent à un diaporama sonore et festif et énergique qui vous mènera au cœur des Balkans, guidé par la voix d'une chanteuse d'exception qui vous contera dans leur langue d'origine les histoires passées de ces peuples lointains. Entre tradition et modernité, ces six trublions ont fait le choix du métissage, ouvrant les frontières tour à tour avec douceur grâce à la flûte, au hautbois, à l'accordéon, parfois avec violence, par la distorsion de la guitare électrique et les pulsions du duo basse-batterie, mais toujours dans un esprit empreint des fêtes populaires. En même temps, ça ressemble un petit peu à de la... du marketing comme on peut en avoir ailleurs, quoi, hein. Sur pas mal de choses qui, elles, sont copyrightées. Il y a plein de petits trucs en bas. Il y a, par exemple, j'avanzouille. Il y a des trucs, un site pour booster. Il y a machin, sa chance. Il y a annuaire machin. Un annuaire, un autre. Encore un annuaire. Encore un annuaire. Lâche un truc business, il y a quand même un logo dogmatique, machin ultime musique, encore un annuaire de musique, et puis un truc web libre, quand même, et puis il y a tout un tas de liens mais vers des choses qui sont parfois en pratique, je crois que j'ai trouvé où ça se passe d'ailleurs. Le son qu'on entendait vient de J'avanzouille. Il est powered par J'avanzouille. Qu'est-ce qu'on a ? L'équipe, on va essayer de voir. Ah oui, là aussi il y a du son. Il y a aussi un son qui démarre tout seul. Plouf, arrêté. Il y a Marielle au chant et au hautbois, Christophe à l'accordéon et au chant, Bruno aux flûtes, Dawood à la batterie, Fanfan à la basse, Olivier à la guitare électrique. Oui, on n'est pas plus avancé. Les dates, les actualités, en concert le 6 juin, et puis sinon, ben, rien de. Non, ben, 6 juin 2009, sinon il n'y a pas d'autres dates de prévues. Donc, bon, ils ont des disques Opus 1 et les inédits Cigane, qui contactent. Qu'est-ce que. Bon, on va continuer à visiter le site là, si ça veut bien. Alors, bon. Oui, donc non, rien de particulier. Les amis, ah oui, ben ça, donc il y a un côté un peu mon pauvre lieu, quoi, aussi sur le site. On a aussi droit aux amis. En attendant, ben Abré Ludo, le dernier des trois titres des inédits Cigane, toujours de l'album Opus 1, et c'est toujours sous licence art libre. Donc, qui a été mis en ligne, ça ne change pas, quoi. C'est à la même date que tous les autres, c'est-à-dire le 2 novembre 2007 qu'ils nous ont donné ça. Alors cette fois-ci, il faut que je pense à rouvrir le son, sinon ça va pas marcher non plus. Voilà. Thank you. Et donc, Abre Ludo par le groupe Les Inédits Tziganes, dont je vais quand même donner un peu le site web, là, ce que j'ai, l'adresse du site web que j'ai visité, c'est itzi.free.fr. Alors, itzi.free.fr, tout simplement. Il n'y a pas les W hein, au début. Donc, ça, c'est pour cette partie de Music World et qui referme d'ailleurs cette série de morceaux de Music World. Alors, j'avais encore prévu de parler, ben ce truc-là, ça fait 40 ans qu'on nous bassine avec ça. Donc, ça s'appelait la mission Apollo 11, donc c'est déjà un nom bien étrange pour ce que c'est. Avec leur combinaison spatiale, les cosmonautes, un S à cosmonautes, tac, bon, on va corriger, hop, je corrige en direct. Les cosmonautes n'ont pas une beauté telle qu'elle rappellerait le dieu du soleil, et ils ressemblent davantage à des Teletubbies blanchis. Donc, comment est-ce qu'on peut les confondre avec des Apollons? Certes, bon, en 1969, les Teletubbies n'existaient pas encore et Michael Jackson ne s'était pas encore éclairci, mais ça ne permet pas pour autant de confondre ces astronautes avec des Apollons. Neil Armstrong a été propulsé avec tambour et trompette, ainsi que Michael Collins et Edwin Aldrin. Donc le but de la mission, à l'unir, rien d'autre, rapporter des souvenirs, des cailloux, paraît-il, ça on aurait pu le faire avec un automate. Donc le but n'était de loin pas scientifique, mais exclusivement parce qu'en cours de récréation, leurs copains URSS se moquaient de l'Amérique et la narguaient en montrant ce qu'elle savait faire. Il fallait donc répondre à ce caprice de maternelle en montrant que eux aussi, ils y arrivent là où la main de l'homme n'a jamais posé le pied. Alors le 16 juillet, ils sont donc partis de Cap Canaveral, un aéroport qui porte bien mal son nom puisque aucun des vols n'a jamais eu l'Espagne pour destination. Pour le plus grand bonheur des 1300 Canaveraliegos et Canaveraliegas qui habitent la commune en question, on verra bien pourquoi d'ailleurs quand on voit comment que ça s'est passé. Heureusement qu'ils ne sont pas allés là-bas et qu'ils étaient allés aussi loin pour faire leur connerie. 2h30 donc après le décollage, ils ont quitté l'orbite terrestre, ils atteignent ensuite l'orbite lunaire au bout de 3 jours, et enfin au bout de 4 jours, le module, qui ressemble à un moulin à légumes retourné, allunit en catastrophe. Le vol était guidé par un gros ordinateur, un truc énorme et qui pourtant est moins puissant qu'une calculatrice de poche. Et au moment où ils étaient arrivés, l'ordinateur qui devait les guider, il ne savait plus où ils étaient. Donc il a fallu allunir 7 km plus loin en évitant les cailloux, ce qui n'est pas une mince affaire sur la Lune puisqu'il n'y a que des cailloux et de la poussière. Alors ça s'appelle la mer de la tranquillité, mais ce sont des cailloux, de la poussière, des cailloux et même pas de cabane ou de jardin ni rien. Un ensoleillement a attrapé un mélanome et de temps en temps il y a un gros rocher, donc un caillou qui tombe de nulle part. Un caillou de plus ou de moins d'ailleurs, on n'est plus à ça près. Et ensuite, y a un passage qui est un petit peu confus. Alors il paraît que Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la Lune, sauf que pourtant il avait été filmé. Et donc certains disent qu'il aurait été le deuxième homme à marcher sur la Lune, selon certains. En fait, l'explication, c'est la suivante, c'est que c'est pas un homme qui tenait la caméra, mais une femme. C'est la femme de Neil Armstrong qui filmait tout ça en Super 8. Donc il est toujours le premier homme à avoir marché sur la Lune, et puis c'est sa femme qui a été la première femme à marcher sur la Lune. Donc il descend de l'escalier, il marche prudemment à cause de la poussière et puis de sa femme en train de filmer, de peur qu'elle se mette à l'engueuler pour mettre les patins. Mais bon, une fois rassuré, puisque sa femme n'a pas remarqué cet oubli, n'a rien remarqué, il se dirige un peu plus en avant, il plante un drapeau rigide, vous voyez, un petit peu un truc comme pour décorer un gâteau de mariage ou un gâteau d'anniversaire ou un gâteau d'anniversaire de mariage. Et c'est là qu'il a sorti une ânerie convenue d'avance avec le directeur sportif donc qui est resté sur Terre pour lui souffler des ordres dans l'oreillette. Hein. Et un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Histoire d'avoir l'air intellectuel, quoi. 15 minutes plus tard, c'est Aldrin qui vient le rejoindre, mais c'est toujours la femme du commandant Armstrong qui filme la scène en Super 8. Donc ils installent un réflecteur pour mesurer la distance entre la Terre et la Lune. Donc, alors que bon, il suffisait de regarder le compteur sur le tableau de bord pour regarder la distance parcourue. Mais enfin, bon, il fallait narguer le petit copain soviétique. Donc, on sort les gadgets et on les montre et on les filme en Super 8. Le petit copain soviétique est d'autant plus humilié que le jour même, son robot chercheur qui devait cueillir des légumes, et qui d'ailleurs n'aurait trouvé que des cailloux, s'est cassé le jour même en tombant par terre, enfin par lune plutôt. Donc nos trois pieds nickelés ont cueilli leurs légumes, eux, donc pas de légumes évidemment, donc à la place, bah, ils ont pris ce qu'il y avait, c'est-à-dire des cailloux. Ah bon, ils auraient aussi pu prendre la poussière, mais dans ce cas, c'est la femme à Neil qui filmait en Super 8 qui aurait gueulé que c'est pas eux qui font le ménage. Donc, enfin, bon, 22 kilos de cailloux de poussière, ça change rien. Et avec les 22 kilos de cailloux, c'est pas avec ça qu'on va manger. D'ailleurs, entre-temps, aussi à propos de bouffe dans l'espace, on s'est rendu compte avec la mission Mars Explorer que l'eau sur Mars est trop salée pour la cuisson des nouilles. Donc décidément, c'est pas le bon endroit pour la gastronomie. Alors au total, ils ont marché 250 mètres. Donc comme bilan, on peut pas appeler ça une promenade de santé. Déjà, faut marcher pas 250 mètres, mais bien plus. Hein. Il faut une demi-heure de marche par jour. Et il faut manger 5 fruits et légumes. Et là, il n'y avait pas de fruits, il n'y avait pas de légumes, il n'y avait que des cailloux. On est loin du compte. Alors, sinon, bah, qu'est-ce qu'ils ont encore fait? Ils ont installé un sismomètre, encore une fois, pour narguer le petit copain soviétique là, qui s'était moqué d'eux à la récré. Et ce sismomètre n'a révélé aucun symptôme parkinsonien à la Lune jusqu'à ce jour. Donc il sert à rien. Les deux compères et la femme de Neil, qui continuent d'ailleurs à filmer en Super 8, sont remontés dans le moulin à légumes. Et la femme de Neil a gueulé parce que le copain à son mari, il a cassé le bouton du démarreur. Alors il a dû réparer ça avec du scotch et un stylo. Et puis en démarrant, là, pour repartir au passage, il a aussi cramé le drapeau du gâteau d'anniversaire de mariage. Et donc la femme à Neil a encore gueulé. Alors ça valait bien la peine de venir jusque-là juste pour ça. Alors donc bilan, donc un alunissage presque loupé, un drapeau de gâteau d'anniversaire de mariage cramé, une facture de garagiste pour réparer le starter, 22 kilos de cailloux en guise de bibelot, souvenirs là, qui vont ramasser la poussière évidemment alors qu'il y en avait déjà assez sur la Lune, une ânerie dite sur un ton solennel pour tenter d'avoir l'air intellectuel devant tout le monde, et puis la femme de Neil qui fait la gueule. Et sinon, bon, l'autre bilan, ça fait 40 ans qu'on nous assène leur film de vacances en Super 8 et ils croient toujours qu'il s'agit d'un chef-d'œuvre. On passe, on retourne donc à petite pause musicale de nouveau, retour à la musique avec Chatou Gris qui nous interprète Kiwi Banane de l'album Banane Libre. Maintenant on passe à de la musique de l'alternatif. Chatou Gris qui publie tous ses trucs sous licence Creative Commons by SA 3.0. Et donc c'est quelque chose qui est autoproduit, hein. Alexis Chatougris qui a également son site web chatougris.com. Donc Kiwi Banane par Chatougris. Et donc à l'instant, Château Gris avec Kiwi Banane et tout de suite quelques concerts, quelques annonces de concerts de musique libre. Ce soir à 23h, ou pourquoi pas à Carhaix-Plouguer, au festival Off des Vieilles Charrues, il va y avoir Zoran et Planète Z. Donc qui fait notamment du rock expérimental. Donc qui jouera également le 26, le 27 et le 28 juillet à Rostrenen et le 13 septembre à Brest. Le 24 juillet, c'est Knobs avec un prix d'entrée. Alors, le précédent, c'était gratuit. Là, c'est un prix libre, ce qui est un petit peu différent pour Knobs. Et il va jouer à Bias, donc à 20h, au Raffistol Festival, qui passera d'ailleurs aussi le lendemain, le 25, à ce même festival. Au festival Plein Air Bernave en France le 25 juillet à 20h. Pour 15 euros, vous pourrez voir Tsunami Wazahari. Donc, ça, c'est du dub. Et alors, sinon, Zimé également, qui passera au festival Fête de la Place à Rostrenen. Donc, prix d'entrée gratuit le 27 juillet. Zimé, c'est un groupe de rock XP43 qui fait de l'ambient, va passer à Ramilly en Belgique le 1er août à 20h, prix d'entrée gratuit. Prix d'entrée gratuit également pour Gogol à Geest Grumpon Petit Rosière en Belgique pour La Petite Frie dans la Prairie. D'ailleurs, je crois que c'est le même festival d'ailleurs que pour XP43 là au-dessus. Et enfin, 1er août, Sushi Sous Champ qui fait de l'électro scratch, du glitch, du hip-hop, du break and bass, du hard groovy, pardon, et TO, je sais pas ce que c'est encore, hein, c'est des styles musicaux que je connais, des styles musicaux que je ne connais même pas. Donc lui, le 1er août, il sera au Ballumas d'Asile en Ariège à Foix, en France, avec prix d'entrée, une donation. Donc, il y aura également comme autre concert pour Sushi Sous Champ le 23 octobre à Lyon et le 14 novembre à Bègles. Retour au programme musical. On continue toujours dans cette histoire de banane avec Château Gris. Cette fois-ci, ça va pas être le kiwi banane, c'est la banane toute seule, la banane libre sous la même licence d'ailleurs et du même album Banane Libre. Bonsoir, jeune brebis égaré. Bienvenue à la maison. Tu es sur Info PSG Radio. Prends un siège, une boisson fraîche 33 centilitres et assieds-toi confortablement. Voici pour toi maintenant. CNPSG, la seule émission PSG 100% spirit. Ah, banane libre! Fichier. que tu que. Château Gris avec sa choucroute galactique, et puis ce sera le dernier titre de cette émission, la troisième partie du direct live from the Alsace est placée sous licence Creative Commons. Non, que je dise pas de bêtises, je l'ai placé à quel moment ça Breludo. Il y a de la licence, oui, sous la troisième partie, mais uniquement la troisième partie, sous Creative Commons by NCSA 2.0, les deux premières parties étant sous Creative Commons by NCND. Donc pas de surtout pas de confusion. Et habillage de toqueur, on va écouter comme générique, enfin pour terminer, je vais vous faire passer le blues du vinyle qui est lui sous licence art libre et qui est candidat à être remixé. Ce blues du vinyle que vous trouverez sur triturer, mélanger et servir, et toujours candidat donc pour pouvoir fabriquer d'autres génériques également de 2 minutes. La licence art libre étant là pour faciliter tout simplement ce remixage en donnant toutes les autorisations. Prochaine émission, faudra surveiller le planning de la radio pour savoir quelle est la prochaine émission le prochain direct live from the Alsace. Mais il va y avoir également l'émission Urbano tout à l'heure vers 23h qui sera relayée depuis Makefest Radio, qui sera relayée sur Dogmazic. Et puis l'enregistrement de cette émission qui sera en ligne pour ceux qui écoutent en direct et qui auraient loupé le début ou des bouts au milieu ou vers la fin ou n'importe quoi. Ça sera disponible d'ici au courant de la semaine sous les différentes formes, c'est-à-dire Mini Nova, le BitTorrent, sur Imule assez rapidement, sur l'archive Dogmazic également, etc. Le temps que je fabrique les fichiers dans les formats appropriés, puis je vais aller oublier sur archive.org également, cette émission est disponible. Donc les deux premières parties de l'émission sous licence Creative Commons by NCND et la troisième partie, le troisième fichier, sous licence Creative Commons by NCSA. Voilà pour toutes les informations. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis également une bonne écoute avec le programme de la radio qui ne s'arrête pas tout à fait. Puisque il y a évidemment toute l'archive Dogmazic qui passe sur la radio. Vous avez de la musique libre qui continue à être diffusée.